Big Flo et Oli, Busta Rhymes. Je vous préviens, ça va aller vite. On s'en bat les couilles des études, tant qu'on est sur Insta. On peut faire de la pub pour des produits sympas. C'est faire de la thune avec les deux pieds en éventail. Donc pour 10 000 balles, donne un peu de toi. Mais descends ta photo lourde, on ne m'intéresse pas. Regarde, ouais, voilà comme ça. On s'en fout de ton visage. Montrez-nous un peu de street. Vous avez compris les filles, vous êtes des produits marketing. Et vous les gars, faut être costaud. Bien habillé, il faut être costaud. Et si il parle sur ta sœur, sur ta mère, sur ta femme, ta voix, ça t'y balance tout. Et si tu veux te taper plein de filles, faut pousser la fonte. T'es encore pisseau à 13 piles. Faut tosser la honte. Faut que t'aimes les ballons, les flingues, les blondes, les balles et les canons et les stops. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Les filles, le fric, les flics, ouais, ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ralenti, respire. Respire, ralenti, respire. Respire, j'ai dit ralenti. Respire. Respire, ralenti, respire. Si t'as du mal à suivre, t'es bienvenue dans l'équipe. Pour les petits imberbes, c'est le cirque pimbert. On joue plus un verbe, et je suis sincère. On crée une génération de petits qu'on déteste pas. À peine 7 ans, ça peut déjà qu'on tourne le Vespa. Perdu sur le net, ils ont déjà maté du porno. Et le pire, c'est qu'ils sont même pas choqués avec leurs potos. T'as un du cul à la télé, à la radio, dans les journaux. Génération, si t'as pas de boulot, t'as pas de boulot. C'est la merde dès le plus jeune âge. Ils n'écoutent pas les ça. Et les parents sont contents, ils ne voient pas la pagaille. Ils s'occupent pas de leur enfant, ils ont beaucoup de travail. Et le défi des filles, s'imagine à Philadelphie. Pour enfiler des filles fines comme des filles, fouine le profil en wifi. Quand l'école est finie, rêve de la belle villa dans les Fidji comme dans les films. J'ai rien compris. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Les filles, le fric, les flics, ouais, ça va trop vite. Ralenti, respire, respire, ralenti, respire, respire, j'ai dit ralenti, respire, respire, ralenti, respire. Oli, t'es prêt? Allez. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos débattent, des coups de poing, des battes, des patates dans la tête, des bavures et des balles qui se perdent dans le bâtiment, c'est devenu banal et des petits qui calent pour que t'arrêtes. Y'a ce type de mode du balcon pendant la bagarre pour une histoire et de paquets de caves et des femmes, tout le monde baisse un câble, on peut te braquer, te claquer dans une cave et demander de vider le sac pour quelques dollars. Tout le monde veut la baraque et la belle bagnole, taper des barres au baléares avec sa bande de potes dans ces époques, t'as pas de milliers de billets, t'es pauvre, les poches pliées, t'es humilié pour remonter la cause qui t'a tapé le plus petit ou bien braquer la poste, casser la porte s'il y a des morts, ce n'est pas de ta faute et peu importe, t'es prêt à tout pour embarquer la cagnotte non non stop. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Les filles, les flics, ouais, ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ralenti, respire. Respire, ralenti, respire. Respire, j'ai dit ralenti. Respire, respire, ralenti, respire. Yo, nobody listen cause they no leader to follow. Nobody don't want no discipline because they always giving in. Well, they really busy giving their souls to telephones. It's the kind of day we living in. Better know the kind of water we fighting, the kind of fire we lighting. Now let me show you what I should do. Show you how to focus and show you the truth about yourself. When you be on the phone, is the phone really using you? Everybody wanna post STDs and they wanna post money and they wanna post. Even the footage of somebody that's getting ready to die. You motherfuckers be doing the most so you can brag and boast. Watch how the cash that goes. It's like the camera phones. It's your banana homes. I got the antidote. And the antidote. When it's time I go to war, hope you plan to go. They say I'm glad you're back. I tell them cut the check. Know where your values at and for your self-respect. I got a plan for that. We always get up and rap and we always giving the truth. You better watch your step. You better know where you're going. You better know when to leave. You better know how you're rolling and every moment you breathe. You better prove it and show them. Because when you're fucking around, you know we're keeping it growing. And I hope you've been listening. Keep quiet till you hear the birds whistling. Very important because the way the common man think and the common state of mind is so crippling. And I'm here to reposition the conditioning because it's had a rippling effect and it's sickening. God bless. Get it right, everybody. And I hope you appreciate this kind of truth that you're witnessing and envisioning. And envisioning. And envisioning. And envisioning. And envisioning. Les gars, si moi je retrouve la vidéo, il n'y a même pas écrit Big Flo Oli Wawad, d'accord? L'issue de la vidéo c'est SL740021. Oui, voilà. Non, en bas. Oui, celle-là. 84 vues. Écoute Flo, frère. Oh non. Vidéo malaise. Heureusement qu'il n'y a pas de titre.